auditeurs, auditrices, Radio Chevauchard, Lisiane vous dit bonjour. Votre émission Quoi de neuf ? Perturbation à Bruxelles. La reine Mathilde à New York. À Hollywood, pardon. Vous êtes à l'écoute de Radio Chevauchard 105.5 depuis le 7 rue Le Chevauchard à Lève. Un numéro d'appel que vous pourrez sonner dès 9h30 pour m'atteindre dans les studios de Radio Chevauchard. Et n'oubliez pas que ce dimanche, nous aurons nos invités, le cabaret des étoiles. On vous en expliquera un petit peu après les anniversaires People sur la 105.5. Allez, on commence. Pour ce dimanche, nous avons Jen Manson. Lundi, Franck Delay. Mardi, Ingrid Chauvin. Mercredi, Lina Katina. Jeudi, Candy. Vendredi, Nicolas Perrac. Samedi, Victor Laszlo. Dimanche, Bruno Mars. Vous êtes peut-être les heureux gagnants des numéros suivants, le 3, le 10, le 23, le 28, le 32, le 35 et le 6. Pour le Joker Plus, nous avons... ...635-991. C'est moi qui l'ai fait, c'est la journée du café. À 26 sortes de café. C'est au 16e siècle que les premiers cafés commencent à voir le jour en Égypte et dans les régions autour de la Mecque. Tu sais de désespoir, tu bois du noir, tu déballes toutes tes histoires. Écoute les oiseaux, dehors il fait beau. Moi ton café tant qu'il est chaud. Oh, oh, oh. 28 sortes de café. Ce sont les commerçants italiens spécialisés dans le commerce d'épices entre l'Orient et l'Europe qui est le premier à introduire le café en Europe au XVIIe siècle. On le boit avec du lait, du sucre, un peu de crème fraîche, enfin tout ce que vous avez envie ce dimanche. Ça va mal, le bon café c'est mal. Bois ton café, olé. Et au lit. On est en octobre déjà. Le 1er octobre. Si vous êtes amateur de pierre, eh bien pour vous, l'opale et la tourmaline. Opale et tourmaline, l'opale est une pierre de prédilection pour apaiser l'esprit et la maintenir en état de sérénité. La tourmaline est aussi associée au mois d'octobre. Sa teinte est d'une couleur vive et symbole d'espoir. Ce qui est de la fleur, eh bien pour le mois de l'octobre, c'est le cosmos, c'est la véritable joyau de l'extérieur en raison de sa beauté époustouflante. La délicatesse et la splendeur de ses fleurs font que le cosmos est une plante à part. L'apparence simple et raffinée de la plante permet de dire qu'elle veut transmettre l'innocence. De l'homme auquel j'appartiens. Le rose, c'est le bonheur, la féminité, la douceur, la fidélité, la passion et bien sûr l'amour. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur. De nouveau, on me quitte encore. Je ne suis jamais le plus fort. Je suis celui qui, par malheur, passe sa vie de cœur en cœur. C'est à croire que je suis puni. C'est à croire que l'amour m'oublie. C'est à croire, c'est à croire, c'est à croire. Je ne sais plus. Faut-il mourir ou vivre quand on a du chagrin? Faut-il mourir ou vivre? Je ne sais plus très bien. Réponds-moi, je veux vivre ta voix. Il était dans le studio mardi, hein, Paul Montelina. Faut-il mourir ou vivre? Son tout nouveau CD de 17 titres que vous pouvez toujours acquérir à Radio Chevaucheur, vous pouvez les commander. Et n'oubliez pas le cabaret des étoiles, je vous en parle après. Car la peine est là chaque instant. Le cabaret des étoiles, eh bien, ça se passera à Radio Chevauchoir plusieurs fois dans la même année. Le cabaret des étoiles, on reprend tous les étoiles de la semaine que vous écoutez sur Radio Chevauchoir et qu'on met à l'honneur. Aujourd'hui, il y a 4 personnes qui seront à la guinguette de Radio Chevauchoir en direct sur la 105.5 Radio Chevauchoir que vous pouvez écouter également. Alors, ça se passe tout simplement. Eh bien, aujourd'hui, nous recevrons Elliot. Elliot, c'est le musicien qui était dans l'orchestre des Shadows qu'on a reçu il y a quelques années à Radio Chevauchoir. Lui, il joue simplement de la guitare et du Shadows. Jean-François, il y a quelqu'un à la barrière, si tu m'entends. Alors, après, vous aurez bien sûr Johnny Morio, hein, qui viendra nous parler, plutôt nous chanter quelques chansons, et entre autres du Johnny Hallyday, car il a sorti du Johnny Hallyday. Et puis, on aura Maria et William. Maria et William qui seront bien sûr des artistes que vous connaissez bien à Radio Chevauchoir, que vous voyez régulièrement, bien sûr, à la télévision. Et dernièrement, ils étaient sur un air d'accordéon avec Michel Prévost. On aura tout au long de l'après-midi, de 14h à 18h, ces artistes en interview et en chanson, bien sûr, pour vous faire chanter, danser, boire un bon verre à Radio Chevauchoir. Ce sera ce dimanche, en très rapide, venez nous rejoindre avec nos artistes, je vous rappelle, Elliot, Johnny Morio, William et Maria. Et puis on reviendra avec d'autres artistes pour le Cabaret des Étoiles le 22 octobre. Et là, on vous propose d'autres artistes comme Luigi avec sa sœur. Puis vous aurez Christian Vidal et Nicole Méry. Et il y aura également une autre personne. Je vais regarder directement sur la fiche et je reviens vers vous après. Et aujourd'hui également, c'est la journée des gens, des personnes âgées. Des pilules, des ongans. Voilà, comme je vous le disais, eh bien, le 22, ce sera Luigi et Elvire, Raphaël Piccarella, Christian Vidal et Nicole Méry. Alors, comme je vous le disais, c'est la journée des personnes âgées, c'est la journée du café, c'est la Sainte-Thérèse et la Saint-Rémy. Saint-Rémy, semer, on doit avoir fini. Ben oui, les semis sont finis pour le moment. On verra un peu plus tard. L'agenda de Radio Chevauchoir, je vous rappelle que ce dimanche, nous aurons Maria et William, Johnny Morio, ainsi que Elliot du groupe des Shadows. Vous aurez également dimanche prochain l'accordéoniste Jean-Yves Quinet. Puis le 22, on se retrouve avec l'étoile cabaret de Christian Vidal et bien d'autres. Le cabaret des étoiles à la guinguette de votre radio ce dimanche 1er octobre dès 14h. Venez chanter, danser, écouter, applaudir vos artistes chanteurs tels que Johnny Morio qui chante Johnny, Elliot Nest et ses guitares des Shadows, Maria et William. N'hésitez pas à nous rejoindre ce 1er octobre dès 14h sous la guinguette. Voici votre apéritif musette comme tous les dimanches matins présenté par Lisiane jusqu'à midi. 0910 156, c'est notre numéro d'appel, ou avec la petite carte. Nous fêtons les Thérèse et les Rémi. Bonne fête à vous. L'apéritif musette est parrainé par Karine et David de Courrières, Mimi de Crupel, Simone de Denis, Annie et Freddy, Josette, Francine, Robert et Yves, Loulou d'Ivoire, Alain de Malone, Michel et Jacqueline de Bouge, Nicole et Jacques, Gisèle de Jeff, Papy Georges de Thon, Nicole de Stave, Luce la Voyante et Monique de Buzet. Merci parrain, marraine, de votre parrainage, de soutenir votre SBL et bien sûr l'émission de ce jour qui est l'apéritif musette. On va écouter déjà le premier titre de cette journée d'accordéon et je vais vous programmer un morceau de, je crois que c'est Cathy Minet. Oui, nous allons en Bavière.